الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ها نحن نعود والعود أحمد، نلتقي بأخينا أبو زيد بيننا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاه وأن يوفقه وأن يثبتنا وإياه على ما يحبه ربنا ويرضى. محاضرة بعنوان الأسرة وأهمية الأسرة، والحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى محاضرات جمع مؤنث سالم ولا ينتهي الإنسان منه، لأن هذا أمر مهم، بل هو والله العظيم من أهم الأمور التي تحتاج لها الأمة سيما في هذه الربوع. دونك notre frère أبو زيد est parmi nous, إن شاء الله vient d'arriver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la tâche pour pouvoir transmettre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui permettre de transmettre. La conférence concerne donc le droit de la famille. Et la famille, j'ai dit, il faut des conférences concernant ce sujet-là et poser la question aux imams des mosquées dans ce pays. Ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils rencontrent à propos de ce sujet-là de la part de beaucoup de foyers. Donc le sujet est très important, et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite à notre frère inshallah de faire le nécessaire. Avant de lui donner la parole et de commencer, c'est pas une question qui est venue de la part de l'un de nos frères, et ça concerne nos sœurs. هذا السؤال يقول بارك الله فيكم عدة مرات ونمشي المحاضرات ومع زوجاتنا وأولادنا، ولكن المشكل يكون عند النساء. كثير من الأخوات للأسف الشديد ابتلاهن الله إما بالغيبة أو بالنميمة أو بمضيعة الوقت والكلام في قيل وقال، وهذا يؤذي الأخريات اللواتي أتينا لطلب العلم وللمعرفة ويعني الاستفادة. donc l'un de mes frères il me dit qu'à propos du sujet de conférence, il ne cesse d'y aller dans des conférences avec son épouse et il est informé. Et moi je lui dis, tu n'es pas le seul informé, beaucoup d'autres frères sont informés par leurs femmes, que certains de nos sœurs viennent dans des occasions comme ça, mais malheureusement la calomnie et la parole dans le vide et les dérangements causés pour les autres, et ça c'est pas étrange chez les femmes, on le sait. Là que moi j'ai dit à mes sœurs comme à mes frères, c'est des occasions rares qu'on est en train de faire, et surtout dans ce pays, dans ce monde-là, le monde de l'Occident. Donc, elle sort de chez elle, elle ne vient pas pour passer le temps inutile, elle vient pour en profiter. Elle a-t-on besoin d'apprendre pour pouvoir gérer son foyer et ses enfants? Donc, j'ai dit à mes sœurs, craignez Allah, subhanahu wa ta'ala. Celle qu'elle veut parler avec une autre, moi je lui dis, sortez dehors et parlez. Si ça ne vous intéresse pas le discours, et laissez les restes de vos sœurs en profiter. Barakallah. C'est pas une critique que je porte, c'est juste un rappel, parce que ça dérange les autres. Et je dirais de même aux hommes, celui qui est venu pour parler avec l'un de ses frères, qu'il le fait dehors, et à l'intérieur c'est un lieu où on est venu pour en profiter. Barakallah fikum. Ne prenez pas ça mal, prenez-le comme rappel, et c'est pas comme critique, malgré que ça peut être une critique. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وليتفضل أخونا مشكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الله عز وجل على هذا اللقاء، ونسأله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله عز وجل في كتابه الكريم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا الله سبحانه وتعالى ندي dans le Coran et rappelle-toi lorsque nous avons appris ou pris l'engagement des enfants d'Israël n'adorer qu'Allah et de faire le bien envers les pères et mères. Oui, car comme vous l'a dit l'imam Salih, nasallahu alayhi wa sallam, ce sujet de la famille, il n'a pas besoin, il ne peut pas se résumer en une seule muhadara, il ne peut pas se résumer en une seule conférence. Mais il a besoin de plusieurs conférences. Et c'est la beauté de l'islam, ça. Mais on va essayer de parler de celui qui a le plus de droits dans notre famille. Et vous savez tous qui est ou qui c'est qui a le plus de droits dans notre famille. C'est nos parents. Donc on va essayer de donner une kalima sur les parents. Et si on a le temps, sur Silat al-Arham, c'est-à-dire sur Silat al-Rahim, le lien de parenté. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorez Allah sans rien lui associer, agissez avec bonté vers vos pères et vos mères. Allah Jalla fi'ula قَرَنَ حَقَّهُ بِحَقِّ الْوَالِدَيْنِ. Allah subhanahu wa ta'ala a joint son haq, son droit, qui est de l'adorer sans rien lui associer, avec le droit des parents. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. وَهُوَ الَّذِي أَحْسَنَ إِلَيْكَ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهِ وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهِ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala a été bienfaisant en te créant, en te donnant une bonne image, en te donnant cette créature que tu, en te donnant toutes ces créations qu'il y a en toi, hein. Il a été bienfaisant envers cela. Et pourquoi alors il a joint cette bienfaisance, ou plutôt son droit, à celui des parents? Car les parents sont ceux qui ont été le plus bienfaisant envers toi après lui, subhanahu wa ta'ala. Alors il nous ordonne bienfaisance envers eux. Et c'est une manière aussi de reconnaître les bienfaits. Allah dit dans le Coran, قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. Dis, venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui associez rien et soyez bienfaisants envers vos pères et vos mères. Encore une fois, l'ordre ici, d'être bienfaisant envers les pères et les mères. Et Allah nous dit dans Sourate al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ قَضَى بِمَعْنَى أَمَرَ. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Et ton Seigneur a ordonné et a décrété, n'adorez que lui et marqué de la bonté envers les pères et les mères. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point ouf, ouf, ne leur dis point ouf et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité et dis, ô mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde comme ils m'ont élevé ou éduqué. Donc, vous avez des règles essentielles ici, dans ce verset qu'on vient de réciter, sur la bonté envers les parents, envers ceux qui ont le plus grand droit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans Surat Maryam, an Yahya, Allah nous dit وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et dévoué envers ses parents qui étaient Yahya, et dévoué envers ses pères et mères, et ne fut ni violent ni désobéissant. Et Allah nous dit au sujet de Isa alayhi salam, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. Et la bonté, c'est-à-dire il m'a recommandé la bonté envers ma mère, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Et puis sourat Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et regardez tous les ordres, comment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné cela dans plusieurs sourates. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Et nous avons enjoint à l'homme de traiter ses parents, et si ceux te forcent à m'associer ce dont tu n'as pas ou ce dont tu n'as aucun savoir, alors ne leur obéis pas, et vers moi est votre retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans sourate Luqman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Nous avons recommandé à l'homme la bienfaisance envers ses parents. Sa mère l'a porté subissant pour lui peine sur peine. Son sevrage à lui de deux ans. Sois reconnaissant envers moi ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination, et si tous deux te forcent à m'associer ceux dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas, mais reste avec eux ici-bas de façon convenable, c'est-à-dire tiens-leur une bonne compagnie. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, on voit dans ces versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne toujours la bienfaisance, mais de plusieurs manières. Ici dans sourat Al-Ahqaf, Allah nous dit ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون وما أعظم هذه الآيات لو كنا نتأمل. إيه الله ندي نصورة الأحقاف. Et dans ce verset là il y a une faïda azima que je vais, inshallah, essayer d'expliquer. Allah nous dit, et nous avons enjoint à l'homme la bonté envers ses parents, père et mère. Sa mère l'a péniblement porté et en a péniblement accouché. Sa gestation et son sevrage durent 30 mois. Puis, quand il atteint ses pleines forces, c'est-à-dire l'être humain, quand il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans, il dit « Seigneur, inspire-moi pour que je rende grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, ainsi qu'à mes parents, et pour que je fasse une bonne œuvre que tu agrées. Et fais que ma postérité soit de moralité saine. Je me repens à toi et je suis du nombre des soumis. Ce sont ceux-là dont nous acceptons le meilleur de ce qu'ils œuvrent. Et passons sur leurs méfaits. Ils seront parmi les gens du paradis, selon la promesse véridique qui leur a été faite. Rakkizou, concentrez-vous. Il y a une parole ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que la personne, فَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَا. Lorsqu'il atteint ses pleines forces et atteint 40 ans. Pourquoi Allah il a donné ce signe, c'est-à-dire cet âge-là, 40 ans? Walou. La maturité. C'est vrai, il est mature. L'homme a 40 ans. Généralement, il est mature. Heureusement pour lui à cet âge-là. Sinon, hein? Mais pourquoi 40 ans de zapt? Ah, ça se rapproche. En fait, à cet âge-là, 40 ans, Raliban, dans la majorité des cas, à 40 ans, l'homme il est marié, il a des enfants. Sahlala. Dans la majorité des cas, 30 ans tu comprends, surtout dans notre société, comme Salah nous dit. 30 ans tu comprends, il est passé par ici et là. Mais 40 ans, non, c'est pas normal. 40 ans il est marié, sahlala. Et il a des enfants. Vous me suivez ou vous me suivez pas? Bon. 40 ans. Et Allah, il nous dit qu'à ce moment-là, il fait cette dua-là. Il fait cette dua, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous mentionne la dua que fait cette personne-là. À cet âge-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si t'es plus jeune ou si t'es plus vieux, t'es pas excusable. Si t'es plus jeune, c'est-à-dire t'as 30 ans, t'es encore moins excusable que si t'étais, quoi? Que si t'avais 40 ans avec des enfants, c'est-à-dire d'avoir quoi, d'avoir le fait de faire cette invocation envers tes parents. Mais le fait de faire cette invocation envers tes parents, en réalité, ça implique quoi? Ça implique que tu as un certain comportement avec eux. Allah il nous a parlé directement, il nous a dit directement que cette personne-là fait quoi? Fait dua pour eux. Ça veut dire que tout le reste, tu l'as déjà fait obligatoirement. Et à 40 ans, souvent quoi? Souvent tu es occupé, tu as des enfants, sah, tu as une famille. Mais là, imagine-toi alors quand tu n'es pas occupé, comme à 20 ans, comme à 30 ans, comment tu dois te comporter envers tes parents? Faïda azim, inshallah, pour celui qui l'a compris. J'espère que je l'ai, j'espère qu'elle est rentrée cette parole, inshallah ta'ala. Donc, les quatre premiers versets cités, ils prouvent qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a ordonné, amr. والامر عباده يعني الله سبحانه وتعالى lorsqu'il ordonne une chose c'est quoi c'est une adoration. Le quatrième verset nous indique le comportement qu'il faut avoir et on va citer quelques exemples de nos prédécesseurs inshallah ta'ala par rapport à cela. Et le sixième il nous prouve comment se comportaient les prophètes. Et si on dit qu'on fait partie des atba' al-rusul, c'est-à-dire des gens qui suivent les prophètes, on doit les suivre également sur cela. Et Allah éloge cet acte-là, l'acte qui est birr al-walidain, car c'est un acte qu'il aime. Et tout acte que Allah subhanahu wa ta'ala aime, c'est alors un ordre pour nous, une adoration pour nous. Car l'ibada, comme vous savez tous, les ulama ont dit que c'était un ism jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wa al-a'mal al-zahira wa al-batina. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, les savants ont expliqué que l'ibada, l'adoration, c'est un nom qui englobait toutes les œuvres que Allah aimait et agréait, qu'ils soient internes ou externes. Et également, comme on a dit, Allah nous a ordonné cela dans Sourate Luqman. Pourquoi en réalité, une des raisons pourquoi nous sommes, ou nous sommes bienfaisants envers nos parents, c'est que la personne doit se rendre compte qu'il a été créé pour l'adoration. Et que les anbiya, les rasoul, ont été qualifiés de shakirin, c'est-à-dire de reconnaissants envers les bienfaits. Et toi, en tant que musulman, tu dois être bienfaisant, mais tu dois être aussi reconnaissant. Et ces personnes-là, qui sont tes parents, sont les gens dont tu dois être le plus reconnaissant. Et on va donner, on va dire, inshallah, pourquoi. Allah nous a donc donné un ordre. Maintenant, l'ordre d'être bienfaisant envers les parents, les gens face à l'ordre, ils sont de trois catégories. Le premier, c'est ceux qui ont le cœur vivant et qu'il accepte tout de suite ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé. Et il le fait et il le pratique. Allah, il a dit, khalas, je fais. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, khalas, je fais. Il y a l'autre qui a le cœur mort. Le premier, c'est le cœur vivant. Le deuxième, c'est qui? C'est le cœur mort. Wal-iyadu billah. Celui-là, on n'en parle pas parce qu'inch'Allah, on n'en fait pas partie. Maintenant, il reste le dernier, c'est lequel? Hein? C'est le cœur malade. Le cœur malade qui, de temps en temps, obéit et de temps en temps, n'obéit pas. Il obéit un peu avec ses passions. Mais le croyant, comment qu'il doit être face aux ordres d'Allah? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran comment que le croyant doit se comporter dans Sourate Al-Ahzab. Il n'appartient pas à un croyant ou une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager, c'est certes égaré d'un égarement évident. Voilà pour ce qui est de l'ordre que tu dois tout de suite te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Birr al-walidain, comme on a dit, cela fait partie des bons comportements et cela fait partie du comportement des prophètes alayhi salatu wassalam. On l'a vu avec Sourate Maryam, les versets cités, avec Yahya alayhi salam, qui est mort tué alayhi salam, Isa alayhi salam également, qui était pieux envers sa mère Maryam. Et Allah nous a cité cela afin de prendre conscience de la grandeur de cet ordre. Azamat hada al-amr. Nuh alayhi salam, il y a deux autres prophètes. Nuh alayhi salam, lui, invoquait Allah pour ses parents. Quand il dit Rabbi ighfirli wa li walidayya wa liman dakhala baytiy mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidiz zalimina illa tabara. Seigneur, pardonne-moi et à mes pères et mères, à celui et à celui qui entre dans ma demeure croyant, ainsi qu'aux croyants et croyantes, et ne fais pas croître les injustes qu'en perdition. Donc cette dua éprouve quoi? Éprouve la bonté que Nuh avait envers ses parents. Sachez une chose, c'est que celui qui fait dua pour ses parents, celui-là, il est pieux envers ses parents. Il se souvient de ses parents pendant les du'as. Ça, c'est un dalil, c'est une preuve que c'est quelqu'un qui est pieux. Et que plus, ou plutôt moins, il fait de du'as pour ses parents, dans sa salat ou autre, plus il est loin, wal'iyadu billah, de ce comportement, de ce khuluq azim, de ce grand comportement qu'avaient les prophètes. Un autre prophète, alayhi salam, qui est venu après Ibrahim, alayhi salam, qui est venu donc après Nuh, et son fils Ismaïl. Et wallah, il y a des signes pour les gens qui réfléchissent sur le prophète Ismaïl et le prophète Ibrahim alayhim as-salam. Ibrahim alayhi salam aimait beaucoup son fils Ismaïl. Il avait كان له علاقة قوية. Il avait un lien fort avec son fils, contrairement à ce que beaucoup de musulmans aujourd'hui sont, malheureusement. تقدموا. Allez. تفسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. Allah, laissez la place pour les autres. Ça fait partie du ta'awun. طيب. Allah. Donc, Afwan, Ibrahim, alayhi salatu wa salam, et Ismaïl avaient entre eux un lien fort. Et cela est cité dans un verset. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl, Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'u al-alim. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises, hein, les piliers de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Si Ismaïl aidait son père Ibrahim à construire la Kaaba, cela prouve quoi? Cela prouve qu'il était proche de lui et qu'il était obéissant, et qu'il était dévoué dans l'aide de ses parents. Cette Kaaba qui est un des plus grands emblèmes de l'islam et de l'existence, elle a été faite et elle a été construite sous l'amour d'un père avec qui? Avec son fils. Alors que dire des gens qui sait que son père est vivant et il n'a aucun lien avec lui? Que dire des gens, et même si c'est un non-musulman, et on va le dire ça, Inch'Allah, on va vous le citer, même si c'est pas un musulman, que dire d'une personne qui a la malédiction sur lui, ou plutôt même des gens qui font le hajj, il est là, il fait le tawaf, pourquoi il se souvient pas de la bonté qu'avait Ibrahim avec qui? Avec son fils Ismaïl, ou Ismaïl avec son fils. Il ne se souvient pas de ce moment-là, même Birr al-Walidain, même la Kaaba, ça ne fait pas souvenir Birr al-Walidain. Et il y a des gens, Wallahu al-Musta'an, il est en train de faire tawaf, et sa mère, elle le maudit. Ou son père, elle le maudit. Waliyadu billah. Qu'Allah nous en préserve. La bonté et la douceur d'Ismaïl, elle va encore plus loin. Quand son père, un jour, il a vu un rêve. Et Allah, il a voulu tester l'amour d'Ibrahim. Lorsqu'Allah nous dit Rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunay inni ara fi al-manami anni adhbahuk fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni in sha'a Allah min as-sabirin falamma aslama wa tallahu lil-jabin wa nadaynahu ayya ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya innaka dhalika najzi al-muhsinin in hadha lahu al-bala' al-mubin wa fadaynahu bi-dhibhin 'azim. Lorsque Allah nous raconte cette histoire magnifique qu'il y a eu entre le père et le fils, Seigneur, fais de moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Regardez, il demandait pas un enfant. Il demandait quoi? Un enfant salih. Parce que wallah, si t'as un enfant, un enfant qui n'est pas salih, je me demande à quoi ça sert. Hein? Il faut toujours faire des doigts quand tu demandes à Allah, et Allah est ghani, il est riche. Si tu lui demandes, Allah va te donner. Demande-lui toujours as-salah fil awlad. Parce que quelqu'un qui a un enfant, malheureusement, qui n'est pas salih, et qui est plutôt talih, hein, il faut savoir une chose, c'est qu'il va vivre mal. Et on les voit, et on sait. Alors, il demande, fais-moi don d'une progéniture d'entre les vertus. Nous lui fîmes donc la bonne annonce d'un garçon, Ismaïl, qui était doux. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Abraham dit, Ibrahim, alayhi salam, il dit, « Oh mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, de t'égorger. » Vois donc ce que tu penses. Ismaïl répondit alors, ô mon cher père, fais ce que tu t'es commandé, tu me trouveras, s'il plaît à Allah, du nombre des endurants. Donc, directement, comme on a dit, l'ordre est venu, et qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'taslam, il s'est soumis. Et c'est ça le musulman. Il se soumet aux ordres. Cette Kaaba, comme on a dit, elle a été construite sur ce sacrifice, ou plutôt le sacrifice du Hajj nous rappelle la grandeur de Birr al-Walidayn, et le sacrifice d'Ibrahim envers son fils qu'il n'a pas fait, et que Allah subhanahu wa ta'ala a remplacé cela par un bélier, cela prouve quoi? Cela prouve encore la grandeur de cet ordre, l'ordre qui est d'être bienfaisant envers les parents. Naam. Alors, maintenant, inshallah ta'ala, Naam. Ibrahim alayhi salam a fait ce qu'on vient de vous raconter avec son fils. Mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala a épargné son fils. Il a voulu simplement voir jusqu'à où allait cet amour qu'il avait, et c'est pour ça qu'il s'est appelé Al-Khalil, le confident. Il y a une autre chose à savoir concernant Ibrahim alayhi salam. Ibrahim a dit à son père un jour, quand Allah nous cite dans le Coran, il qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. Regardez comment Ibrahim, dans sourate Maryam, comment il s'est comporté avec son père. Il lui dit, son père qui était un kafir, c'était pas un musulman, c'était même quelqu'un qui construisait des statues, Aza. Regardez alors comment il s'est comporté Ibrahim avec son père Aza. Il a dit, après lui avoir fait une nasiha, après lui avoir fait la prêche et le bon conseil, il lui a dit, Ô mon père, pourquoi tu adores quelque chose qui n'entend pas, qui ne voit pas et qui ne t'enrichit en rien du tout? Ô mon cher père, il m'est venu une science qui ne t'est pas arrivée. Suis-moi, je te guiderai dans un droit chemin. Ô mon père, n'adore pas Shaytan. N'adore pas Shaytan, car Shaytan est un ennemi du Rahman. Est un ennemi du Rahman, c'est-à-dire d'Allah. Ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-Rahman fatakuna lish-Shaytani waliya. Il dit, ô mon père, ô mon cher père, j'ai peur que ne te touche un châtiment du miséricordieux, et tu seras alors de parmi les alliés de Shaytan. Et ensuite, là, il y a eu ce qu'on appelle al-mufasala, la coupure entre le père et le fils. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui dit, araghibun anta an alihati ya Ibrahim, est-ce que c'est mes divinités qui te dégoûtent, ô Ibrahim? La illam tantahi, si tu n'arrêtes pas, la arjumannak, je vais te lapider, wahjurni maliya, et éloigne-toi loin de moi. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. Il dit alors, Ibrahim, سلام عليك, il a dit paix à toi, سأستغفر لك ربي, je demanderai à mon Seigneur qu'il te pardonne. إنه كان بي حفيا, il est envers moi compatissant. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt Ibrahim alayhi salam, il a eu ce discours. Mais si vous suivez ce discours, vous comprenez plusieurs règles dedans. C'est que même malgré que c'était un ennemi d'Allah, son père, regardez comment il lui a adressé la parole. Il lui a dit Ya Abati, Ya Abati, Ya Abati, oh mon cher frère, oh mon cher frère, oh mon cher frère. Sahulala. Il lui a parlé de la plus belle des douceurs. Et ils disent aussi, les savants, que c'est aussi pour cela qu'il a eu la récompense de ce qu'il a eu comme œuvre, Ibrahim. C'est-à-dire, Ismaïl, vous vous souvenez, il y a quelques instants, Ismaïl, qu'est-ce qu'il a dit à son père? Comment qu'il lui parlait? Hein? Il lui disait quoi? Comment qu'il lui a adressé la parole? Avec douceur, mais qu'est-ce qu'il lui disait? Ya Abati. Ya Abati. Sahalala. Regardez, il y a eu Ya Abati entre Ismaïl et son père, mais avant Ismaïl et son père, il y a eu Ya Abati avec qui? Entre Ibrahim et Azar. Al jaza min jins al amal. Hein? Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Tu fais aujourd'hui, tu récoltes le rida des walidain, tu as, comment dire, l'agrément de tes parents aujourd'hui. Sache que Inch'Allah ta'ala, tu auras aussi l'agrément de tes, yani plutôt tes enfants, hein, Inch'Allah, tu auras l'agrément de tes enfants et tes enfants se soumettront Inch'Allah ta'ala. Et c'est pour ça qu'il raconte plusieurs histoires comme cela. Et ils disent qu'un jour il y avait une femme qui un jour est sortie de chez elle ruée de coups. Et ceux qui la frappaient, c'était qui? C'était ses enfants. À Argenteuil, il y a 2 semaines, il a coupé sa mère en petits morceaux. C'est là, à Argenteuil, c'est pas loin. Il a pris, il l'a découpé en morceaux. Allah al-musta'an. Cette femme qui est sortie, ça c'est une petite parenthèse, on revient sur la femme. La femme qui est sortie ruée de coups, on lui a dit, mais qu'est-ce que tu as fait pour qu'il t'arrive ça? Elle disait, wallah, je me souviens d'une chose, c'est que j'haussais la voix à ma mère. Subhanallah. Si hausser la voix à sa mère, ça peut t'apporter ça comme jazaa fi dunya, na'oudou billahi ya khouan. C'est pour ça que les salafs, eux, ils ont vraiment compris le dîn, les salafs. Ils disaient, wallah, inni ara athar al mahsiya ala dabbati. Ils disaient, wallah, je vois les traces de ma désobéissance dans quoi? Sur ma monture. Alors, comment une personne peut se permettre d'hausser la voix à ses parents? Comment on peut même l'insulter? Et quand on peut même lever la main? Wallahi, ikhwan, ça, c'est très très grave. Et on va le voir, comment c'est grave. On a là un exemple avec Ibrahim. Il lui dit, Ya Abati, c'est un kafir et c'est quelqu'un qui construit des statues, subhanallah, mushrik. Et il lui parlait de la meilleure des manières. Et il lui a pas dit, Anta jahil. Il lui a pas dit, toi t'es ignorant et moi je connais. Comme certains aussi se comportent avec leurs parents. Eh papa, moi je sais, hein, toi tu sais pas. Toi t'étais un jahil, toi t'étais en Tunisie, en Algérie ou au Maroc. On t'a appris des bêtises, c'est moi qui vais t'apprendre aujourd'hui. Ah, il y en a qui se comportent comme ça entre nous. Wallah, il y en a qui se comportent comme ça. La sagesse, les frères, et la douceur. Ton père, faut pas oublier que c'est lui la cause de ton existence. Tu t'imagines, toi? Imagine-toi aujourd'hui, et pour les parents, ils le savent, nos frères qui sont des parents. Imagine-toi, ton fils, il vient, il veut te donner une leçon. C'est facile, ça? Tu dis, oui, mon fils. Je t'écoute. Ala rasul ain. T'es capable, toi? C'est pas facile aussi pour eux, surtout avec l'éducation qu'ils ont eue, qui était quoi? Qui était la soumission envers leurs parents. Alhamdulillah, eux au moins ils se soumettaient, hein, à leurs parents c'est ce qui leur restait, alhamdoulilah, des bases de ce din. Et alhamdoulilah, ils sont beaucoup mieux que certains qui se prétendent hein, de la bonne voie, et etc. Et alors qu'ils sont mauvais avec leurs parents. Alors, beaucoup de cette question, pourquoi je l'ai cité ici, Ibrahim alayhi salam, Allah nous dit à ce sujet-là, وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إبراهيم ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il avait faite, mais dès qu'il lui a été apparent ou clairement dit que c'était, ou plutôt qu'il a vu clairement que c'était un ennemi d'Allah, il se désavoua de lui. Ibrahim était certes plein de douceur et de sollicitude. Naham, mes frères, Ibrahim, hein, il n'a pas invoqué ensuite pour son père. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette question-là, cette question qu'il y a eu là ici avec Ibrahim alayhi salam, c'est une question qui est beaucoup répétée ici en France. Des gens, ils rentrent dans l'islam. Il rentre dans l'islam et il dit, comment je dois me comporter avec mes parents? Il a khita le Coran devant toi. Là, il n'est pas clair le comportement d'Ibrahim. Il n'est pas clair. La douceur, déjà, premièrement. Deuxièmement, il faut savoir une chose, c'est que les non-musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, ils se divisent en deux. D'accord? Ils se divisent en deux. Le premier, c'est celui qui est neutre. Il te dit, mon fils, fais ce que tu veux. Ça existe. Il dit, toi, t'es neutre, t'es libre. T'es dans une démocratie et tout. Et les trois petits points qui suivent derrière. Taï. Et il y a l'autre qui dit quoi? Qui va lui dire, non, tu fais pas ce deal. Eh bien, vous savez comment qu'il faut se comporter dans ces cas-là? Dans ces deux cas-là, il faut être quoi? Il faut être patient. Il faut être patient, il faut être doux et il faut donner une bonne compagnie à ses parents. Même, regardez qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bi ilm. S'il te combat pour que tu fasses du shirk, regardez à la fin, wa sahibhuma fi dunya ma'rufa. Tiens-leur bonne compagnie. Ça, c'est quelqu'un, son père, entre guillemets, c'est un diable. Vous avez compris? Ça, c'est pour quelqu'un qui est comme ça. Que dire alors? Et tu dois lui tenir bonne compagnie. Que dire alors du musulman qui a un père musulman? Ah, mon père, c'est un mubtadi'. Ah, mon père, je ne sais pas si c'est un musulman, j'ai un doute. Ah, mon père, comme ça qu'il se comporte. Il le voit, 5 prières par jour, juste parce qu'il n'a peut-être pas les mêmes choses ou les mêmes opinions que lui. Il le traite comme si c'était un moins que rien, son père. Non, les frères. Wallahi, si tu veux te rapprocher d'Allah, sois bon avec tes parents. Même si tu es vieux, sois bon avec tes parents. Parce que wallah, Allah il va te donner un grand jazal. Allah il va te donner un grand jazal. Un jour, Moussa alayhi salam, il a demandé à Allah. Il dit, Ya Rabbi, montre-moi un de mes compagnons fil Jannah. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a tout de suite révélé, va dans tel endroit. Il arrive, il voit quoi? Il voit une grotte. Et ils voient un homme qui part, qui revient, qui part, qui revient, qui part, qui revient. Et il le regarde comme ça. Et Moussa s'approche de lui, alayhi salam. Il lui dit, qui es-tu? Et il dit, je suis un tel, fils d'une telle. Il dit, c'est quoi ton affaire? C'est quoi ton affaire? Il dit, je suis là, je m'occupe de ma mère, c'est ma mère, et je m'occupe d'elle. Il a regardé, il a dit, ça c'est ta mère? Elle a dit, oui. Et il l'a regardé comme ça et souffrir pour ramener ce que sa mère lui demandait à chaque fois. Et il l'a regardé comme ça, Moussa, et lui a dit, je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Ou plutôt non, Afwan, j'ai oublié un détail. Elle a dit quoi? Elle a dit, qu'est-ce qu'elle fait pour toi, cette dame? Il dit, c'est ma mère et je l'entends toujours faire une dua. Et elle dit, et c'est quoi cette dua? Il a dit, je l'entends toujours dire, oh Allah, fais que mon fils soit un des compagnons de Moussa fil Jannah. Et ensuite, Moussa alayhi salam, il a regardé cet homme-là, ému, et lui a dit, je suis venu t'annoncer la nouvelle que je suis Moussa et que tu fais partie des gens du paradis. Birr al-walidin. La bonté pieuse avec les parents, mes frères. Où sommes-nous de cela? Où sommes-nous? Où est-ce que la société, hein, de toutes les ijtima'at, on ne parle pas de cet ijtima'at, yani ce mujtama'at, de cette société, on ne parle pas d'ici spécialement, on parle de tous les mujtama'at. Tu vois, partout, il y a un mal dans la société. C'est quoi? C'est ce recueil qui a les gens envers leurs parents. Et la bienfaisance. L'autre règle qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens posent des questions aussi sur l'obéissance. L'obéissance des parents, est-ce qu'elle a une limite? On dit, na'am, elle a une limite. Le prophète, alayhi salatu wa salam, il dit quoi? Il dit, innama ta'a fil ma'ruf. Hein? Innama ta'a fil ma'ruf. Certes, là, l'obéissance reste dans ce qui est convenable, ce qui est, hein, ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, nous dit, la ta'a li makhlouqin fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance, hein, à une créature qui est en désobéissance avec le créateur. Et on rajoute aussi la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il nous dit fattaqullaha mastata'tum. Allah nous dit craignez Allah autant que vous le pouvez. Alors il y a des gens qui ont exagéré, comme on a dit, au sujet des parents, et ils sont venus jusqu'à rendre mécréants leurs parents et dire que ce ne sont pas des musulmans ou des innovateurs, et ainsi de suite. Yahri, qui t'a demandé de juger ton père, même si c'en est un? Qui t'a demandé de le juger? Ça en parle si c'en est un. Et si c'en est pas un, c'est encore plus grave. Tu viens, tu dis, il s'est passé des événements. Il s'est passé des événements dans des pays que vous connaissez tous, où il y a un jour une femme, une mère, elle raconte que quelqu'un qui a voulu faire ça, Bismiddin, au nom de la religion, mais c'était quelqu'un qui était complètement égaré. Il est venu vers sa mère et elle dit, anti ummi, anti kafira. Toi, tu es une kafira. Et je dois me désavouer de toi. Ibrahim, il s'est désavoué de son père, il l'a tué. Et c'est un prophète. Il l'a tué ou l'a pas tué? Hein? Oh là là, il doute ou quoi? Ibrahim, il a tué son père, il a pas tué son père. Un badan, hein? Jamais de la vie. Un prophète, a'udhu billah, il a tué son père. Hein? Ibrahim, il a pas tué son père. Hada al-miskin, hada al-jahil, il a dit, moi je vais me désavouer. Pour de vrai, et je vais faire plus, je vais exagérer. Si seulement il savait qu'il exagérait, il dit, je vais la tuer, ma mère. Vous savez ce qu'elle a dit, cette mère? Quand cette personne, elle s'est rapprochée de lui, il est venu avec un couteau. Il a dit, Abunay, Ana Ummuk, je suis ta mère. Il s'est rapproché d'elle. Ana Ummuk, il s'est rapproché d'elle. Ana Ummuk. Et il a tué sa mère. Wali'adhu billah. Des histoires, a'oudhu billah. Des histoires. Et Erwan, quand je vous dis comme là, Argenteuil, des histoires, yani, qu'on entend et qu'on voit tous les jours. Des gens qui maudissent leurs parents et des parents qui maudissent leurs enfants. Pourquoi? Ils ne connaissent pas Sa'adat al-Islam. Et ne connaissent pas la vie heureuse qui est l'islam. Et ça aussi, le plus grand des... S'il y a un mal dans cette société aussi, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'imams qui n'appellent pas à cela. Birr al-walidain. Ils ne rappellent pas ces histoires de birr al-walidain et l'importance de birr al-walidain. Et comme vous connaissez tous, l'ignorance, c'est un mal qui tue. Al-jahlu da'un qatil. Donc le plus grand sabab, la plus grande des causes du mal, de ce mal qui est l'éloignement de cette ta'a, de cette obéissance, c'est le jahl. Le jahl bid-din. Et c'est pour ça que c'est un petit message pour tous ces imams qui tiennent des mosquées, qu'ils recommandent toujours, même à chaque khutbah, quoi? Birr al-walidain. Birr al-walidain. Birr al-walidain. Même si c'est tous les vendredis, ya khi ma'lish, khayr, ta'muru bih, al-kalima at-tayyiba sadaqa. Sahulala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la bonne parole est une sadaqa. Dis birr al-walidain. Dis juste ça, birr al-walidain. Wa amurukum, mais birr al-walidain. Et on a vu ces gens qui étaient loin, loin, loin. Un jour, une histoire, une autre histoire comme ça, un jour, il y a un homme qui a fait quoi? Il était devant le masjid al-Nabawi. Le masjid du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme a regardé son fils et il lui a dit une parole et le fils s'est énervé et il lui a mis une gifle. Le fils, il met une gifle au père. Et le père, il s'est souvenu d'un moment. Il est resté comme ça un moment bloqué et il a commencé à avoir des larmes dans les yeux. Il a regardé l'endroit et vous savez, alhamdoulilah, dans les pays musulmans, ça se passe pas comme dans les pays qui ne sont pas musulmans. Il y a tout de suite des gens qui arrivent qui se disent « Attends, qu'est-ce qui se passe là ?» Hein ? Là, on voit un petit qui frappe quelqu'un qui est grand. Ah, c'est pas normal ça. « Ya'am » ils lui disent. « Ya'am » laisse-nous le frapper. Laisse-nous le corriger. Il dit « Qui il est pour toi ?» Il dit « C'est mon fils. »« Ya'am » là il y a Josad. « Oh notre oncle, laisse-nous s'occuper de lui. » Il dit « Wallahi, je peux pas. » Après ils ont insisté. « Pourquoi ? Mais pourquoi ?» On va le corriger et toi tu vas le voir qu'il va se faire bien corriger. Il dit Wallah, j'ai fait la même chose il y a 10 ans, ici, à mon père. La même chose, à mon père, il y a 10 ans. La ilaha illallah. Al waqt, mashallah. خلاص إذا انتهى الوقت ما انتهينا المحاضرة ولكن الله المستعان نقف أو نزيد كما ترون إيش 5 مينيت خلاص سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.